moi l'artiste du peuple. Va vous déranger, bi va vous fracasser. Les goûts des babies, elles sont calées, elles veulent danser haut. Les femmes africaines, on n'en parle pas, elles vont tuer haut. Oh, le show a commencé, on ne peut pas s'arrêter. On est là pour s'amuser, on est là pour s'amuser. On va tout déranger. Les goûts, attachez vos pagnes, les gars, attachez vos ceintures. On s'est dansé avec les reines, décalé, décamé, décalé, coupé. Mama loco. Chargement, on y va tous les gars. Les go attachez vos pagnes, les gars attachez vos ceintures. Dansez, dansez avec les reines, décalé, décamé, décalé, coupé. Tout le monde est... Oh, ah maman loco. Ah maman loco. Ciao frère, là c'est devenu concours de jeter des maintenant. Attachez vos pagnes, les gars, attachez vos ceintures. Dansez, dansez avec les reines, décalé, décamé, décalé, coupé. Eh maman loco. Regarde, le bébé est en train de toucher la petite. Tu n'as pas vu des dents? C'est Kamata, ouais. Dans ces éléments. Eh maman loco.